Cricket bang. Cricket bang. Pour tenir, les soldats prennent de la drogue. Dur, genre de la banque avec un lingot d'or. Pur, j'aime être un gros bâtard, j'aime être une ordure. Quand je la tire, on dirait que je la torture. Change de position comme un nomade. Un schlass artisanal, on sait jamais pendant la promenade. Les détenus ont souvent la pommade. J'tacle le terrain comme un des mineurs. Si t'as tué un tourne comme un spinner. T'es un loser, loser, j'suis un winner. J'fais du très très sale, pas pour les mineurs. J'touche les points vitaux, métaux et clito. J'te viscère bien, ni peu ni trop. Une dans le froco, une dans l'ico. J'suis dans le merco ou dans l'hélico. Droite, pas de détour, t'atterris, j'suis dans l'avion du retour. Peur de l'aimer, peur d'avoir mal. Les sentiments tuent plus vite qu'une balle. J'suis un crève la dalle, j'vais les mettre à mal. Un angle de tir pour te mettre la balle. Je sais où appuyer pendant le tête. Tu as souvent le menton par la fenêtre. Façon mon cœur est accidenté. Faire du sale est une promenade de santé. Ennemis nombreux, les cadavres, j'les empile. Et je prie pour que le diable les enfile. Dès que je sors de cette putain de détention, j'les attrape à leur putain d'extension. Hey, je sais ce que les gueuches là veulent. Et j'ai ce que les pétasses veulent. Même si t'as raison, t'es mort. Les absents ont toujours tort. Je vais au head pour une ânerie. J'suis coincé comme un rat dans une galerie. Les dés sont toujours pipés et le gosier toujours imbibé. Je vais les fumer et je vais le filmer. Je vais prendre même les billets abîmés. Je ne déclare jamais ma cam. Ne me déclare jamais ta flamme. Moi j'ai dormi au fond de la classe. Aujourd'hui je rêve de leur boule en business class. C'est parce que je viens du 9-3 qu'il y a des flammes sur ma croix. Je pense qu'au visage de mes proies et à Terminator 1, 2 et 3. Roi de la peutra, que de la peufra. Une espèce de la pire espèce. J'aime quand elle sait faire de la sauce et qu'elle a du gras. J'suis une pulcra, j'suis un ultra. Roi de la peutra, que de la peufra. J'suis une espèce de la pire espèce. J'aime quand elle sait faire de la sauce et qu'elle a du gras. J'suis une pulcra, j'suis un ultra. Look at the